Adam et Ève et la création du monde. Le premier jour du monde, Dieu créa le ciel et la terre. Et d'une voix qui emplissait l'univers, Dieu dit « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Il y eut un premier soir et un premier matin. Le deuxième jour, dans un jaillissement d'écume, Dieu sépara les eaux du ciel des eaux de la terre. Le troisième jour déjà, les continents sortaient de l'eau. « Un peu de verdure !» dit Dieu. Les arbres, les buissons et l'herbe se mirent à croître et à fleurir. Dieu regarda la terre et sourit. « Comme c'est beau !» s'exclama-t-il. Le quatrième jour fut somptueux. Dieu plaça dans le ciel de grands astres de lumière. La lune et les étoiles brillaient la nuit. Le soleil illuminait le jour. C'était magnifique. Le cinquième jour, Dieu créa toutes sortes de poissons pour peupler les mers et des oiseaux pour chanter dans le ciel. Quelle symphonie! Le sixième jour, Dieu fit les animaux de la terre, de la minuscule fourmi à l'énorme éléphant. La terre grouillait de vie. Et maintenant, dit Dieu, faisons l'homme à notre image. Dieu créa alors la merveille des merveilles. Prenant de la terre entre ses mains, il modela le premier homme. Puis, d'un souffle puissant, il lui donna la vie. Je te confie la terre et tous les animaux, lui dit Dieu. Mais très vite, Dieu comprit que l'homme se sentirait un peu seul au milieu des zèbres et des pélicans. Alors, il le fit tomber dans un profond sommeil, prit une de ses côtes, sans lui faire mal, et façonna une femme. Quand l'homme se réveilla, il vit la femme devant lui et s'écria, ébloui, « Elle est si belle! Nous allons être heureux ensemble. » Alors, content de ce qu'il avait fait, Dieu passa le septième jour à admirer sa création. L'homme s'appelait Adam et la femme, Ève. Ils vivaient heureux dans un merveilleux jardin que Dieu leur avait donné, le jardin d'Éden. Ce véritable paradis regorgeait de fleurs et d'arbres fruitiers. De clairs ruisseaux y coulaient avec un joli bruit de cascade. Les animaux gambadaient joyeusement, le lion avec la gazelle et le loup avec la mouche. Vous pouvez manger tous les fruits des arbres du jardin, avait dit Dieu, sauf ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car ces fruits vous feraient mourir. Les avait-il prévenus? Adam et Ève aimaient se promener avec Dieu dans le jardin. Ce bonheur pouvait durer l'éternité. Seulement voilà, un animal dans le jardin était terriblement jaloux de l'homme et de la femme. C'était le serpent. Il était menteur, rusé et sournois. Un jour, il dit à la femme « Bien sûr que vous pouvez déguster le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu vous a menti. Vous ne mourrez pas, au contraire. Vous serez comme des dieux. » Étonnée, Ève voulut goûter ce fruit qui avait l'air délicieux. Elle tendit la main, en cueillit un et le croqua. Adam en mangea à son tour. Malheur ! Qu'avait-il fait là ? Tout à coup, plus rien ne fut comme avant. Pour la première fois, Adam et Ève s'aperçurent qu'ils étaient nus. Gênés, ils accrochèrent rapidement quelques feuilles à leur taille. Soudain, ils entendirent le pas de Dieu dans le jardin. Pris de peur, ils se cachèrent derrière un arbre. Adam, où es-tu ? Appela Dieu. Je te cherche partout. Alors l'homme sortit de sa cachette et tout honteux raconta ce qui était arrivé. Catastrophe ! S'écria Dieu. Maintenant que vous avez découvert le mal, vous ne pouvez plus rester dans le jardin d'Éden. Le mal va se répandre sur toute la terre. Les animaux vont se battre et se dévorer. Au milieu des fleurs pousseront des ronces. Il vous faudra travailler dur pour cultiver la terre. Vous connaîtrez la maladie et un jour, vous mourrez. Dieu leur fabriqua des vêtements de peau. Puis il ferma le jardin d'Éden et posta devant la porte un ange armé d'une épée de feu. Adam et Ève partirent à la recherche d'un coin de terre où s'installer. Une nouvelle vie commençait pour eux. Dieu les accompagnait chaque jour de son amour.